Je vais partir de Wallow, finir à Maranello. Hasta la vista, j'ai fait millions de mélos. Où j'en ai vu des meufs, mais toi c'est pas pareil. Chérie, elle bout du miel. J'achète un Guccini d'abeille. Je les évite, bébé, je les évite. Tes copines sont jalouses, donc je les évite. Et toi, poteau, je t'évite. Ouais, je t'évite. Tu parles un peu trop, t'es suspect, je t'évite. Ils font pas nous en vouloir, ouais, ouais. La rue, c'est paranoïaque, ouais, ouais. Moi et ma chérie sur un yacht. Vendre leurs yeux, on a pris le large, ouais, ouais. Un million, deux millions. 3 millions et je reste mignon. Ouais. 1 million, 2 millions. Moi, ma chérie, elle me trouve mignon. Non, non, non, non, non. T'auras pas wahda. Non, non, non, non. Là, c'est mort, ça y est. Non, non, non, non. T'auras pas wahda. Non, non, non, non. Hey. Non, non, non, non, non. T'auras pas wahda. Non, non, non, non. Là, c'est mort, ça y est. Non, non, non, non. T'auras pas wahda. Non, non, non, non. Tu es mauvaise, il est mauvais, vous allez bien ensemble. Elle a changé plus de queue, mais qu'elle a changé d'ensemble. Tu nous aïen, tu nous aïef, m'appelle pas le sang. J'suis parano, j'dors avec un chla sous le coussin. Hey, hey, baby, levons nos verres à tous ces jaloux. Hey, hey, hey, baby, levons nos verres car ils feront à nous. Un million, deux millions, trois millions et j'reste mignon. Ouais. Un million, deux millions, moi ma chérie, elle me trouve mignon. Non, non, non, non, non, t'auras pas wahda, non, non, non, non, là c'est mort, ça y est, non, non, non, non, t'auras pas wahda, non, non, non, non, hey. Non, non, non, non, non, t'auras pas wahda, non, non, non, non, là c'est mort, ça y est, non, non, non, non, t'auras pas wahda, non, non, non, non, je vais partir de Wallow, finir à Maranello, hasta la vista, j'ai fait millions de mélos. J'en ai vu des meufs, mais toi c'est pas pareil. Chérie, elle bout du miel. J'achète un Guccini